Chapitre 2e. Le secret des poches. Il allait encore se servir de sa méthode. Des poches du veston, il tira un mouchoir, un paquet de tabac gris, à peu près fini, un bout de crayon, deux ou trois lettres. Il déposa le tout, après l'avoir bien examiné, sur la table. Puis il revint au veston et fouilla encore de nouveau dans les poches, comme s'il espérait y découvrir autre chose. Il n'y avait plus rien que de la poussière de tabac. Martin Numa retourna la poche qui contenait le tabac, et dans le creux de sa main, il fit tomber la poussière. Cette poussière, il la déposa ensuite sur une feuille de papier blanc, puis il s'arma de sa loupe. La loupe grossissante du détective était célèbre. Elle intervenait souvent, et faisait voir, comme si elle était douée d'une vertu magique entre les mains de son propriétaire, des choses que personne autre que Martin Numa n'aurait pu remarquer. Longuement, le détective examina cette poussière de tabac. Pourquoi ? Pensait-il, dans ces débris tombés des paquets, découvrir la vérité sur la disparition du garçon de recette ? Poser une telle question quand il s'agissait d'un autre que lui, c'était s'attirer une réponse absurde, mais avec lui, il fallait s'attendre à toutes les surprises. Martin Numa, au bout d'un moment d'examen, demanda à M. Defel, qui le suivait des yeux, tout en se tenant avec nous en dehors du guichet, « Est-ce que le père Éloi est coquet ?»« Comment ?» s'écria M. Defel. « Comment coquet ? Qu'entendez-vous par là ? L'avez-vous vu parfois la boutonnière ornée d'une fleur, comme un gandin ? Non, jamais. »« Ah, bien. » Martin Numa ajouta. « Mais vous m'avez dit que Vidal faisait encore bon ménage avec sa femme. Il en est toujours très épris, n'est-ce pas ?»« Je sais que ces deux vieillards s'aiment beaucoup. » « Oh, il en est très amoureux encore. »« Comment pouvez-vous voir ça dans de la poussière de tabac ?» Martin Numa tourna la tête vers M. Defel. « Rassurez-vous, monsieur, » dit-il en riant, « je ne tire nullement la bonne aventure, et je ne fais pas concurrence aux liseuses de mare de café en lisant dans la poussière de tabac. Veuillez me renseigner. Voici, je trouve là, parmi les débris de tabac, des vestiges de bouquets, des restes de fleurs. » Deux petits pompons de mimosa. Donc, vous concluez que Vidal, très amoureux de sa femme, lui a offert ces jours derniers un bouquet dans lequel il y avait une branche de mimosa. Les pompons jaunes ne sont pas encore secs, donc il n'y a pas longtemps que Vidal les portait. S'il n'avait pas les fleurs à sa boutonnière, il tenait ce bouquet, qui ne devait pas être gros, dans sa poche. Martin Numa ajouta « Je dis que Vidal voulait faire une surprise à la personne à qui il allait offrir ses fleurs. » puisqu'il dissimulait ce bouquet dans sa poche. Or, on ne fait de ces gentilles surprises que quand on aime. On ne cache ainsi les fleurs que quand on ne veut pas qu'on vous voie porter un bouquet, quand on tient à faire une surprise. Très juste. Mais Vidal a une fille qui doit se marier sous peu. Il a pu offrir un bouquet à sa fille. Non, monsieur, on n'offre pas de mimosa à une future mariée. Et il ajouta. D'ailleurs, nous solutionnerons ce point, qui est très important. S'adressant à Prosper. Veuillez prendre note qu'il faudra demander à Madame Vidal si son mari lui a offert ces jours-ci un bouquet dans lequel il y avait du mimosa. Bien, chef. Martin Numa se remit à étudier les débris de tabac avec sa loupe magique. Vidal, dit-il bientôt, fumait la pipe ? Oui, la pipe. Rien que la pipe, n'est-ce pas ? La pipe seulement. Nous ne lui avons vu fumer que la pipe. Martin Numa dit alors très sérieusement : Quant à Madame Vidal, elle fume la cigarette. M. Defel s'écria stupéfait. « Madame Vidal, la cigarette ? Oh, la pauvre femme, c'est une bonne et brave bourgeoise à qui certainement l'idée de fumer la cigarette n'est jamais venue. Cependant, je trouve ici, parmi le gros tabac pour la pipe, des vestiges de tabac blond, de tabac d'Orient ou de cigarettes anglaises, comme en fument les femmes. J'ajoute même que ces cigarettes ont un bout doré comme les cigarettes de luxe, car voici un petit bout de papier à cigarette qui porte des traces de dorure. » Se tournant vers Prosper, Martin Numa ajouta « Prenez note de demander aussi à Madame Vidal si elle ou peut-être bien sa fille ont fumé des cigarettes à bout doré. » Martin Numa fit un cornet de papier et précieusement il rangea ses débris de tabac, de bouquets, de papier doré. Puis il mit le cornet dans sa serviette de cuir que lui présenta Prosper. « Maintenant, dit-il, voyons ce que contient le tiroir de cette table. » Le tiroir était fermé à clé. « La clé ? » fit M. Defel. « Le malheureux Vidal la gardait toujours sur lui. » nous nous passerons de cette clé et nous ouvrirons quand même. » Martin Numa prit dans la poche de son gilet un petit appareil ressemblant à un canif à lames nombreuses et minces. Il glissa ses lames dans la serrure, opéra une légère pression et le tiroir s'ouvrit avec la plus grande facilité. Le tiroir ne contenait d'ailleurs pas grand-chose. Des fiches de banque, quelques lettres de clients, des journaux, des prospectus. Martin Numa prit deux ou trois fiches et, montrant à M. Defel les mots qu'elles comportaient, tracés au crayon, il demanda « C'est l'écriture de Vidal? C'est sa signature ?»« Oui, c'est son paraphe. C'est son écriture. » C'est le type des fiches qu'il laissait dans la journée chez les clients à qui il présentait un effet, quand il ne payait pas sur le champ. Bien. Martin Numa garda par-devers lui ses fiches et poursuivit son enquête. Dans le coin du tiroir se trouvait une petite caisse divisée par compartiments qui servait à mettre la monnaie, en séparant les pièces, pour faciliter l'échange, le travail de l'appoint. La caisse était vide, mais elle reposait sur des journaux illustrés de gravures de bataille, de sujets militaires, de portraits d'officiers. C'était en quelque sorte le coin favori du vieux Vidal, ancien sous-officier, qui gardait là quelques souvenirs. Parmi ces documents se trouvait, bien caché dans une enveloppe, une simple carte postale qui n'avait pas été expédiée, qui ne portait rien d'écrit. Mais sur cette carte postale, achetée dans quelques bureaux de tabac, se trouvait le portrait, d'ailleurs attrayant, d'une jeune femme brune qui souriait, offrant un panier de fleurs et présentait dans une guirlande ces mots imprimés « Meilleurs souvenirs ». « Carte banale, en somme, » dit Martin Numa, « comme on en voit partout. » Puis, la montrant à M. Defel, « Ce qui est surprenant, c'est de l'avoir d'abord en la possession de Vidal. » « Peut-être voulait-il l'expédier. » « Il ne la cacherait pas ainsi, ne la garderait pas précieusement dans une enveloppe, parmi ses papiers, dans ce coin de tiroir. » « On peut la lui avoir donnée, je l'admets. » Mais ce n'est ni sa femme ni sa fille qui la lui ont offerte. Elles y eussent tracé au moins un mot à la main et mis à la poste. Ce n'est pas non plus un collègue ni un client qui lui a fait cette gracieuseté. Que croyez-vous alors? Qu'il faut chercher plus loin, au-delà, ailleurs. Donnez-moi votre avis, je vous prie, monsieur Martin Numa, car maintenant, plus que la disparition de Vidal, vos constatations nous plongent dans l'anxiété. Je ne puis rien dire encore, rien formuler de précis, car ce serait en quelque sorte émettre une accusation, et je n'ai pas ce droit. Mon devoir est de chercher la vérité et de vous dire ce qui est arrivé à ce malheureux. Cependant, puisque vous y tenez, et que cela demeurera entre nous, je puis vous dire que nous pouvons nous attendre à de fortes surprises au cours de cette affaire. Le drame est plus terrible que vous n'imaginez encore. Nous y trouverons du sang, probablement, mais de la passion, certainement, et... je crois que c'est sur le chemin du déshonneur que le malheur est arrivé. » M. Defel, anxieux, s'écria. « Vous supposez? Vous croyez que Vidal, ce vieux serviteur, a pu... » Très calme, Martin Numa répondit. « Je ne crois rien, je ne suppose rien. Je constate seulement. Je vois dans la poche de cet homme, ponctuel, scrupuleux dans son travail, bon mari, bon père de famille chez lui, je vois dans sa poche des fleurs, du tabac cher, des bouts dorés de papier à cigarette. Je trouve ici, dans ce tiroir, parmi les souvenirs, une carte postale, un portrait de jeune femme affriolante. Voilà ce que je trouve, et cela me suffit pour ce soir. » Cette déclaration causa une sorte de stupeur. Maintenant, plus que jamais, apparaissait le drame. Il était permis à chacun de le bâtir à sa guise. Vidal jouait double jeu. Homme de devoir, austère, scrupuleux, père de famille admirable, il avait aussi ses faiblesses, et cachait admirablement un côté de sa vie. Il fallait Martin Numa, avec son flair d'observation, avec sa méthode de déduction, pour soulever le voile et montrer déjà la vérité. Cependant, Martin Numa, lancé maintenant sur cette affaire qui l'intéressait extrêmement, voulut aller promptement en besogne. À son avis, et le commissaire de police le partagea, s'il y avait crime, l'attentat était commis, quoique cela parût tout d'abord impossible dans le quartier. Le commissaire donc, avec ses agents et quelques hommes du service de Martin Numa, se chargea de fouiller le quartier aussitôt. Puis l'on expédia aux différentes gares de Paris un agent civil qu'accompagnait un garçon de recette du Crédit Bordelais, connaissant bien Vidal, pour le cas où le père Éloi voudrait fuir. Pendant ce temps, Martin Numa, avec le chef de la comptabilité, M. Defel, relevait les noms, l'adresse des clients de la banque que le père Éloi devait aller voir dans la journée. Ce fut un travail assez long. Martin Numa, avec un garçon de recette et son fidèle Prosper, commença la tournée que la veille aurait dû faire le père Éloi. Philippe, le second de Martin Numa, s'était rendu auprès de la femme de Vidal. La malheureuse, ainsi que sa fille, était folle de douleur et se mourait d'angoisse. Le futur gendre Sylvain, avec une ardeur inlassable, courait chez les amis, chez les connaissances, partout où il supposait que le père Éloi pouvait s'être attardé. Des collègues de la banque, des voisins, des amis, et pas mal de curieux se trouvaient auprès de Madame Vidal, de sa fille, commentant l'événement. Tout le monde croyait à l'attentat, au guet-apens, au crime. Très adroitement, tout en donnant des encouragements aux pauvres femmes dont la douleur faisait peine à voir, Philippe parvint à apprendre que Vidal n'avait nullement offert, ni à sa femme ni à sa fille, des fleurs ces derniers temps. Il apprit aussi que ni la brave Madame Vidal, ni sa fille, ni personne de leur entourage ne fumait de cigarettes de luxe à bout doré. Le futur gendre fumait, comme le père Vidal, du caporal, le cigare et la pipe. Philippe ne jugea pas nécessaire de pousser très loin la question de la carte postale. Il lui suffit de savoir que chez Vidal on ne s'intéressait nullement à ce genre de correspondance illustrée. Pendant que son agent Philippe, peu après, lui faisait ce rapport, Martin Numa hochait la tête. « Bien, bien, » faisait-il, et il continuait sa route pour faire la tournée de Vidal. « Nous devons savoir tout d'abord, dit-il, jusqu'où Vidal a poussé sa tournée, s'il l'a finie ou à quelle heure elle a été interrompue. Nous saurons ainsi à quel endroit il s'est arrêté. Dès que nous aurons établi l'un ou l'autre de ces points, nous saurons exactement si Vidal a pris la fuite ou s'il a été tué, nécessairement. J'ajoute que si le crime a été commis, il l'a été non loin de celui des clients qui nous montrera le dernier billet payé ou la dernière fiche laissée par Vidal. Rien de plus juste. » Mais ici, une surprise attendait Martin Numa. Tous les clients portés sur le registre de comptabilité, tous ceux chez qui le père Éloi avait dû se présenter, déclarèrent à Martin Numa avoir vu le garçon de recette. Ils montrèrent qui le billet payé, qui la fiche laissée par Vidal, tous l'avaient vu, tous lui avaient parlé. Donc, le père Éloi avait achevé sa tournée comme d'habitude. « Dans ce cas, dit M. Defel, il faut admettre que Vidal a été tué après sa tournée faite, quand il avait sa sacoche pleine, ou qu'il a attendu ce moment pour disparaître. » Martin Numa, comme lorsqu'il ne voulait pas faire connaître sa pensée, dit, hochant la tête, « Faut voir, faut voir. » Il se rendit avec M. Defel au guichet qu'occupait Vidal. Un nouveau garçon de recette s'y trouvait. On avait prié les clients qui devaient retirer leurs billets de se présenter seulement le soir, alors qu'on espérait que Vidal serait de retour. Martin Numa avait demandé qu'on l'attendît pour recevoir ses clients. Il se tint donc près du guichet. Il prenait les bulletins qu'on apportait, inscrivait dessus l'heure à laquelle Vidal les avait présentés la veille, et il en faisait délivrer un double par le garçon de recette auxiliaire. Quand le dernier client fut parti, Martin Numa pria M. Defel de lui accorder pendant quelques instants l'hospitalité. Sur le bureau du chef de service, il installa les bulletins apportés par les clients, les étudia longuement. Dans le bureau, le silence absolu régnait. On attendait anxieusement ce que Martin Numa allait dire. Quelle nouvelle inattendue et comme invraisemblable allait-il faire connaître? De sa voix tranchante, Martin Numa dit lentement, rompant ce silence tragique. « Éloi Vidal a disparu à 3 heures. »« Disparu ?» « Disparu ?» s'écria M. Defel. « Comment cela? Que voulez-vous dire par ce mot « disparu »?»« Je veux dire que jusqu'à 3 heures, il a signé les fiches qu'il laissait au client de sa grosse écriture, avec son paraflour, tracé avec un crayon tendre, gras, et qu'à partir de 3 heures, les fiches n'ont plus la même écriture. Le paraf est seulement imité, et le crayon n'est plus le même, il est dur, sec. »« Éloi peut avoir changé de crayon. »« Changé de main aussi, alors ?» M. Defel tressaillit. Selon vous, alors, Vidal n'aurait pas achevé sa tournée, un autre l'aurait faite à sa place? Je ne dis rien, je constate. C'est impossible. Tout le monde connaissait le père Vidal. Les clients lui ont parlé, l'ont vu, tout le monde l'a reconnu. C'était lui. Un autre ayant pris sa place aurait été facilement démasqué. C'est impossible, c'est inadmissible. Martin Numa tourna les yeux vers le chef de service qui parlait ainsi nerveusement, avec anxiété. Et sans rien dire, il ramassa les papiers, les fiches qu'il rangea soigneusement dans son portefeuille. Puis il salua M. Defel, et malgré ses supplications, très polies mais inflexibles, il refusa de lui donner de plus amples explications et se retira. Le lendemain, Martin Huma me dit « Si rien ne vous retient aujourd'hui, voulez-vous m'accompagner ?»« Volontiers. Avez-vous quelque chose de nouveau sur le garçon de recette ?»« C'est précisément ce que je vais chercher. » Martin Huma avait donné 3 heures comme heure probable de la disparition du père Éloi. Quand les clients s'étaient présentés au guichet, il avait soin de noter sur les fiches les noms, les adresses et l'heure à laquelle les clients disaient que Vidal était passé chez eux. Ainsi donc, sans perdre de temps, presque à coup sûr, Martin Huma pouvait aller trouver le premier des clients dont la fiche portait 3 heures. Mais par le fait de manque de précision ou de négligence, 2 fiches portaient la même heure à peu de choses près. Or, une de ces 2 fiches venait du boulevard Haussmann, l'autre de la rue de Châteaudun. Il était cependant matériellement impossible que Vidal ait pu se présenter en même temps à 2 adresses aussi espacées. Martin Huma, toutefois, alla contrôler. Ces adresses étaient celles de 2 petits boutiquiers depuis longtemps établis dans le quartier, très connus et dont l'honorabilité ne pouvait être suspectée. Chez eux, rien d'anormal, rien qui pût attirer l'attention du détective. Ils avaient donné 1 heure approximative sans attacher à cela la moindre importance. Cependant, Martin Huma, ayant reconstitué la tournée, remarqua que, pour aller plus vite, le père Éloi avait établi parfaitement ses démarches. Il était parti d'un point, c'est-à-dire par la gauche, d'un côté du boulevard Haussmann, était remonté par la chaussée d'Antin, passé par la rue de Châteaudun, visité la rue Saint-Georges, la rue Saint-Lazare, et était rentré ensuite par la droite, c'est-à-dire la rue Thébout, comme s'il se dirigeait vers la banque. À partir de 3 heures, donc, Vidal se trouvait dans le cercle assez restreint des rues de Provence, de la Victoire et de la cité d'Antin. Martin Huma pensa alors qu'il lui serait assez facile de reconstituer la marche précise du garçon de recette. Dès lors, il n'avait plus à chercher que dans cette périphérie. Sa conviction était faite, c'était là que le drame commençait. Au cours de ses recherches, de son enquête, Martin Huma, qui maintenant revenait chez certains clients, avait remarqué, rue de la Victoire, une maison portant comme enseigne simplement ce mot en grosses lettres jaunes sur le haut de la porte, « Antiquité », et peint sur la vitre de la porte ce nom, « Armand ». À cette maison avait été présenté un effet qui d'ailleurs avait été payé. La boutique de l'antiquaire était très modeste, et d'un coup d'œil, Martin Huma put juger de la valeur des objets qui s'y trouvaient. C'était une sorte de bric-à-brac, de vieilleries plus ou moins authentiques, mais surtout démantibulées, quelques objets en argent, des bagues, des chaînes de montres sorties du Mont-de-Piété, des pierres fines fausses et des diamants en strass. Et cependant ce négociant, qui tenait ce magasin d'antiquailles, avait trouvé à escompter un billet assez fort. Martin Huma pria à ce négociant, un homme encore jeune, de lui montrer ce billet. Il releva sur l'endo 2 noms qu'il inscrivit sur son carnet et il se retira. Il s'étonnait de voir que ce négociant, dont la surface commerciale n'était pas brillante en somme, avait pu trouver 2 endosseurs pour sa valeur et avait pu, à échéance, payer ce billet. Il revint à la banque, au Crédit Bordelais, et demanda des renseignements sur les 2 hommes qui avaient endossé cette valeur et répondu en somme pour le petit négociant. Les renseignements qu'on lui donna à la banque furent que les 2 endosseurs étaient des négociants et qu'ils escomptaient parfois du papier, qui d'ailleurs jusqu'à présent avait été réglé à échéance. Cela ne suffit pas à Martin Huma. Il ne dit rien à M. Defel, et il remarqua que parmi les clients visités par Vidal se trouvaient également les 2 noms que portait l'endo du billet du petit antiquaire. Martin Huma alors se rendit chez l'un de ses négociants qui se trouvait rue de Provence. C'était un marchand de meubles. Par la vitrine donnant sur la rue, on apercevait quelques fauteuils en simili au buisson et bois doré à l'or chimique. Quelques pièces de tenture dépliées sur des carcasses de fauteuils, des bergères non recouvertes d'étoffes, 1 ou 2 bahuts, sur des stèles quelques statues en simili marbre et présentant sur le socle une large signature d'homme de génie parfaitement inconnu, quelques tableaux attribués à des maîtres et qu'on fabrique à la douzaine. En somme, un de ces magasins de clinquants et de faux luxe où viennent s'approvisionner des clients naïfs qui s'en rapportent à la dorure, à la signature et ne savent pas discerner quels pièges sont tendus sous ses oripeaux. Quand Martin Numa entra dans le magasin, une femme d'un certain âge, en cheveux gris, vint lui offrir ses services et lui demander ce qu'il désirait, se mettant à sa disposition pour lui faire visiter ses magasins, lui faire essayer des meubles, et disant que dès qu'il aurait fixé son choix, on s'arrangerait facilement pour le paiement. Martin Numa demanda à voir le maître du magasin. Le marchand de meubles était absent et ne devait rentrer que plus tard. « Veuillez le prier de m'attendre, c'est pour une affaire très sérieuse et j'ai besoin de le consulter. » Puis, immédiatement, il se rendit chez la seconde personne ayant apposé sa signature sur le billet du modeste antiquaire. Celui-ci tenait une boutique de reconnaissance du crédit municipal, ancien Mont de Piété, située dans un recoin de la cité d'Antin.